franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. L'affaire Rosenberg, une extraordinaire affaire politico-policière qui a ébranlé jusqu'au fondement d'un État, le Guatemala, affaibli durablement le parti de son président progressiste, qui n'aura régné que 4 ans, et qui explique pourquoi la droite et l'extrême droite guatémaltèque viennent de triompher aux dernières élections, avec le risque que ce petit pays d'Amérique centrale ne replonge dans les pires errements de son histoire. La paix intérieure, toute relative, n'a été rétablie au Guatemala qu'en 1996, après des décennies de guerre civile et de dictature militaire qui ont causé la mort de 200 000 personnes, dont une écrasante majorité d'Indiens mayas, à tel point qu'on a pu parler de génocide. Et si j'ai parlé de paix relative, c'est qu'en dépit des accords signés en 1996, le Guatemala demeure l'un des pays les plus violents du monde. On y enregistre tous les ans une moyenne de 900 meurtres pour 100 000 habitants. Un triste record qui tient pour une grande part au fait que le pays est aujourd'hui gangréné par le narcotrafic avec la complicité de certains militaires et d'élites politiques corrompu. C'est donc dans ce contexte qu'a éclaté l'affaire Rosenberg en 2009. Monsieur X raconte. Imaginez essayer de transposer la scène dans notre pays. En mai 2009, un homme, Rodrigo Rosenberg, apparaît sur les écrans de télévision. Sa déclaration est enregistrée car il a été abattu la veille. Dans les yeux des téléspectateurs, il accuse le président de la République guatémaltèque, Alvaro Colom, d'avoir commandité son assassinat. Une accusation qui dure 18 minutes, au cours desquelles Rosenberg évoque minutieusement la corruption et les magouilles financières de la présidence. Ça, c'est un vrai choc dans l'opinion. Et immédiatement, des gens descendent dans la rue et demandent la démission du président. Celui-ci s'incline ? Non, il va contre-attaquer. Ce qui ne pourra éviter à la gauche guatémaltèque de connaître 2 ans plus tard une terrible défaite. Et aujourd'hui, la droite dure est revenue au pouvoir. C'est un ancien général, Otto Pérez Molina, qui a été élu. Un homme qui, il faut le signaler, porte une lourde responsabilité dans les massacres d'Indiens lors de la guerre civile et s'est fait élire avec ce slogan « Mano dura », la main ferme. Ah ben ça, c'est sans ambiguïté. Mais il faut dire que le Guatemala connaît la pire situation qui soit. Les institutions de l'État sont moribondes, la corruption est omniprésente et les narcotrafiquants font la pluie et le beau temps et tuent à qui mieux mieux. Ouais, ce sont des gangsters qui travaillent main dans la main avec les cartels mexicains de la drogue. Et qui emploient des soldats perdus, des déserteurs d'une unité d'élite de l'armée guatémaltèque, spécialistes de la répression antisubversive. Et bon, il faudra encore parler des maras, des gangs de jeunes issus des quartiers déshérités des villes d'Amérique centrale et qui sèment la terreur. Alors, pardonnez-moi, mais si on veut y voir plus clair dans cet étonnant polar qu'est l'affaire Rosenberg, je crois qu'il nous faut effectuer un retour en arrière. Mais sur le passé tourmenté, très tourmenté du Guatemala. Oui, une donnée avant de commencer. Les États-Unis, qui continuent toujours d'être actifs au Guatemala, en particulier dans la lutte contre le narcotrafic, ont longtemps considéré que ce petit pays faisait partie de leur arrière-cour. C'est d'ailleurs au Guatemala qu'on a inventé la notion de république bananière. Et à cause de la toute-puissance de la compagnie United Fruit. Oui, et en 1954, parce que cette compagnie craignait que le président de l'époque, Jacobo Arbenz, ne laisse ses intérêts, le gouvernement états-unien a procédé à une vaste campagne de désinformation. En accusant Arbenz d'être communiste. Et la CIA a fini le travail en organisant un coup d'État. Arbenz a été renversé et 3 ans plus tard, il a été assassiné. Et on l'a appris assez récemment, les autorités américaines ont aussi autorisé des expérimentations médicales au Guatemala. C'est-à-dire ? Quelques 1500 citoyens, détenus, soldats ou handicapés, ont subi sans le savoir une inoculation de tréponème, de la syphilis, via des prostituées contaminées. Des cobayes humains, donc. Sans aucun doute. Ouais. Mais tout ça dans quel but, alors? Tester l'efficacité de la pénicilline. Mais comme dans tout essai de ce genre, une partie de ces sujets n'a pas été traitée. Ah oui, pouvoir comparer. Et d'après ce qu'on a appris, plusieurs dizaines d'entre eux sont morts. Cette affaire révélée en 2009 a contraint le président Obama à présenter ses excuses à son homologue guatémaltèque. Et si j'ai évoqué aujourd'hui cette affaire, c'est pour vous montrer à quel point les Américains pouvaient faire ce qu'ils voulaient au Guatemala. Oui, ils se sont tachés de pas. Bon, alors fermons la parenthèse et retraçons à grands traits l'histoire récente de ce petit pays de 13,5 millions d'habitants. Un point essentiel d'abord, c'est la présence au Guatemala d'une importante population indigène. Oui, des Indiens. Des Mayas, plus précisément. Ils sont plus de 60%, une population exploitée, misérable et tenue à l'écart. Et les autres? Oh, ce sont ce qu'on appelle là-bas les Ladinos, c'est-à-dire généralement des créoles. Et puis il y a aussi les descendants directs des conquistadors, qui sont les vrais maîtres du pays, autant sur le plan économique que politique. L'élite, quoi. Oui. La société guatémaltèque est donc très inégalitaire. Excessivement. Une vingtaine de familles possèdent plus de 90% de la richesse nationale. En 1954, le président qui succède à Arbenz, le putschiste Carlos Castillo Armas, annonce tout de suite la couleur. Il emploie la force contre tous les opposants et fait même bombarder des villages indigènes. Un régime de terreur. Exactement. Ça ne lui portera pas chance, car ce colonel finira par être assassiné. Et c'est un autre militaire qui lui succède. Jusqu'en 1985, à une exception près, l'armée gouvernera directement le pays. Et ensuite? Bon, on verra l'émergence de présidents civils, mais l'armée sera toujours présente et dans les faits, c'est elle qui exercera le pouvoir. Dans cette mesure, le Guatemala va servir de laboratoire de la guerre antisubversive. Est-ce que la politique de répression engagée après le renversement d'Arbenz suscite aussitôt la naissance d'une rébellion armée? Tous les germes d'une révolte sont en place. Mais chez les Mayas? Pas seulement. Les premiers à s'organiser sont les militaires, des partisans de l'ex-président Arbenz, mais aussi de jeunes officiers paradoxalement formés par les Américains qui voulaient avoir des hommes à eux dans les armées du continent. Oui, pour lutter justement contre les mouvements de gauche ou d'extrême-gauche. Bien sûr. Ouais. Mais quelques-uns de ces officiers, sans doute par réaction anti-impérialiste, surtout après la victoire de Castro à Cuba, ont choisi de s'opposer à l'ingérence des États-Unis et aux menées de la CIA en Amérique latine. Et dès 1960, ils passent à l'action armée. Mais c'est surtout après 1962 qu'on assiste à la création d'une véritable guérilla. Une guérilla dispersée en plusieurs organisations, mais qui obtient malgré tout quelques succès, d'autant plus que la population maya lui est naturellement acquise. Mais ces guérillas d'extrême-gauche, là, sont-elles en mesure de menacer sérieusement le gouvernement ou le pouvoir guatémaltèque? En tout cas, les autorités commencent à s'inquiéter. Et bien entendu, elles appellent au secours leurs amis américains afin de venir à bout de ces mouvements insurrectionnels. Ouais. Et c'est la CIA qui va intervenir? C'est évident. En 1965, John Longan, un agent de la centrale, sous couvert d'un poste de conseiller d'une association américaine d'aide au développement, arrive au Guatemala. C'est un spécialiste qui a déjà fait ses preuves un peu plus tôt en aidant le gouvernement vénézuélien à mater les rebelles. Ouais, en employant la manière forte. Et là, au Guatemala, comment entend-il procéder? Il propose au président guatémaltèque Peralta un plan secret pour écraser les forces terroristes, comme il les appelle. Première mesure, la constitution d'une cellule clandestine anticommuniste au sein même de la présidence. C'est cette instance qui sera chargée de coordonner la lutte contre les guérillas en particulier et tous les opposants en général. Deuxième action, l'organisation de raids militaires dans la capitale même, Ciudad de Guatemala. Mais des raids contre qui? Contre tous ceux qui sont soupçonnés d'être communistes. Peralta ira même jusqu'à offrir des primes pour tout responsable communiste tué ou arrêté. C'est un appel à la délation. Et à l'assassinat sans autre forme de procès de ces supposés communistes. Oui. Extrait d'un câble déclassifié de 1966, émis par la station de la CIA à Ciudad de Guatemala, et donc par Longan lui-même. On lit ceci. La station rend compte de l'exécution secrète de plusieurs communistes et terroristes par les autorités guatémaltèques dans la nuit du 6 mars. Les victimes, Victor Manuel Gutiérrez, leader du PGT, Parti guatémaltèque des travailleurs, en faisaient partie, sont 12 de membres du PGT et d'organisations alliées. Ils ont été enlevés, torturés par les forces de sécurité. L'exécution de ces personnes ne sera pas annoncée et le gouvernement du Guatemala niera qu'elles aient jamais été arrêtées. Pareillement, Longan propose que dans les principales villes du pays soient créées ce qu'il nomme des zones gelées, c'est-à-dire des périmètres où les forces armées et la police auront tout pouvoir et pourront enlever ou même tuer les prétendus terroristes et les opposants. Des militants disparaissent, qu'on ne reverra jamais, d'autres sont froidement assassinés. Et c'est efficace ? Ah, redoutablement. Cependant, Longan demande à Washington que des conseillers américains soient envoyés au Guatemala. Des spécialistes militaires susceptibles de former les Guatémaltèques aux techniques d'enlèvement. Ah oui, de cibles gauchistes. Évidemment. Et il va être entendu ? Oui, le général Porter est alors le chef du commandement sud des États-Unis. Et pour cette raison, c'est lui qui coordonne la présence militaire états-unienne en Amérique latine. Porter adhère avec enthousiasme à la demande de Longan. Il recommande que les États-Unis épaulent totalement les programmes de la police guatémaltèque et soient à l'initiative d'entraînement à la guerre psychologique et aux opérations anti-insurrectionnelles. Oui. La Maison-Blanche approuve ? Bien sûr. Pour un Richard Nixon et son conseiller à la sécurité, Henry Kissinger, il s'agit là-bas de combattre le communisme. Bon, reste à convaincre le Congrès qui doit se prononcer sur le renouvellement de l'aide financière au Guatemala. Mais comment alors ? Ben, la CIA persuade sans grande difficulté l'ambassadeur américain au Guatemala d'envoyer un rapport destiné à une commission du Congrès chargée d'examiner cette délicate question. Oui, mais qu'y a-t-il dans ce rapport ? Oh, ben, c'est très habile. L'ambassadeur prend acte de la volonté du gouvernement guatémaltèque de lutter contre le terrorisme communiste. Bon, certes, il a constaté certains dérapages, des détentions illégales ou encore des éliminations physiques un peu excessives. Mais globalement, l'ambassadeur observe que les services de sécurité usent de méthodes orthodoxes dans ce combat contre la subversion. Ce qui est parfaitement faux. Le diplomate note d'autre part que si le communisme venait à triompher au Guatemala, on assisterait à une répression autrement plus sévère. Ah oui. Donc, conclusion, il faut continuer à aider le gouvernement guatémaltèque. Et à lui envoyer des dollars qui lui sont nécessaires pour combattre la subversion, oui. Bref, l'aide américaine est positive. Et si elle cessait, on risquerait de voir les Guatémaltèques utiliser des moyens encore plus drastiques contre le terrorisme qui les menace. Bah, c'est un joli monument d'hypocrisie. Hein. Ah ouais, mais ça permet d'emporter l'accord du Congrès. Cependant, je voudrais vous parler d'un aspect méconnu de l'action américaine au Guatemala. À la fin des années 60, Nelson Rockefeller, gouverneur républicain de l'État de New York, effectue un voyage au Guatemala. À son retour, il envoie une lettre tout à fait étonnante au président Nixon. Il lui dit que dans ce pays, l'Église catholique a cessé d'être une alliée des États-Unis. Oui, à cause de la théologie de la libération. Oui, le clergé et même certains évêques prennent désormais le parti des pauvres contre le pouvoir qui perpétue les injustices et les inégalités sociales. C'est particulièrement visible dans la communauté maya, où l'Église catholique jouit d'une grande influence. Par conséquent, Rockefeller conseille à Nixon de faire tout son possible pour remplacer ces catholiques par des protestants bon teint. Ah oui, l'arme de la religion alors contre la subversion. C'est assez malin. Ces protestants américains sont essentiellement des conservateurs, des fondamentalistes. Généralement pentecôtistes, ils prêchent une religion où la question primordiale est celle du salut personnel. Les Américains vont donc envoyer au Guatemala de véritables bataillons de missionnaires protestants. Mais ils sont chargés de convertir le peuple. Et de dénoncer le paganisme catholique. Disposant de fonds propres, mais aussi financés en sous-main par le gouvernement états-unien et peut-être même par la CIA, ces prêcheurs déferlent sur le pays. Et bientôt, ils vont rencontrer un grand succès, surtout chez les plus démunis. Parce que c'est d'abord la théologie de la libération qu'ils entendent combattre. Et ils sont ainsi en parfaite adéquation avec le gouvernement militaire guatémaltèque et les agents de la CIA présents dans le pays. En 1976, on aura une illustration particulièrement éclatante des tentatives de pénétration des églises protestantes au Guatemala. 1976, c'est l'année où le pays est frappé par un terrible tremblement de terre. Les pentecôtistes, mais aussi tous les autres conservateurs, se précipitent aussitôt. D'accord. Bon, ils viennent en aide aux populations meurtries. Oui, ils en profitent pour les convertir. Bon, le message est clair. Dieu a permis ce tremblement de terre pour punir les impies. Ouais, c'est-à-dire les catholiques et surtout les opposants au régime militaire. Hein. Toutefois, malgré les coups qu'elles ont reçus et qu'elles continuent de recevoir, les guérillas ne renoncent pas à se battre. Ils s'en créent même de nouvelles, essentiellement dans les zones rurales. L'armée de guérillas des pauvres, par exemple. Mais ça coûtera très cher à ces paysans. À cause de la répression. Bien sûr. Faute de trouver les combattants qui auront réussi à s'enfuir à temps, les militaires s'en prennent aux populations civiles. Souvent, les militaires inventent purement et simplement des prétextes pour justifier leurs attaques contre les villages mayas où ils tirent sur tout ce qui bouge. Et si sous la présidence états-unienne de Jimmy Carter, on note une diminution des exactions à cause de la suspension de l'aide, sous Reagan, ça recommence. Ouais. L'aide militaire au Guatemala est rétablie. Les généraux guatémaltèques décident de mener une opération de grande envergure sur les hauts plateaux, dans la province de El Quiche, là où, selon toute vraisemblance, de nombreux guerrilleros sont regroupés. Les militaires se livrent à de multiples excès et de nombreux villages sont détruits. En effet, l'armée a reçu l'ordre de considérer comme hostile toute la population d'une agglomération où elle rencontrerait une opposition. Ouais. Donc la présence d'un seul guerriero supposé permet donc d'arrêter ou d'éliminer tous les villageois. Le Guatemala va donc vivre une période de terreur inimaginable. Et ça va confiner à la folie lorsque le général Rios Montt devient président. C'est un dangereux extrémiste doublé d'un fou de Dieu. À peine élu, ou plutôt désigné président, Montt abolit la constitution, décrète l'état de siège et envoie à ses troupes affectées à la répression des guérillas un message clair. Vous avez entière liberté pour arrêter, détenir, interroger tous les présumés combattants que vous trouverez. Et vous pourrez vous en débarrasser à votre guise. Ouais, c'est ce que vont faire les militaires. Et pendant l'année et demie de règne de Montt, 100 assassinats et 40 enlèvements se produiront chaque semaine. Et 400 villages seront rasés. Quant aux prisonniers, ils sont conduits dans une base aérienne qui devient un gigantesque centre de torture. Les détenus sont enfermés dans des puits remplis d'eau. Pour ne pas se noyer, ils doivent s'accrocher en permanence aux grilles situées au-dessus d'eux. Et quand, épuisés, ils lâchent, c'est la mort assurée. Ouais. Parenthèse, Montt vient d'être rattrapé par la justice et il a été appréhendé. Il est assigné à résidence et peut-être sera-t-il jugé un jour si longtemps après. En tout cas, là, pour revenir à ce qu'il a fait, ce sont donc les civils qui ont payé le tribut le plus lourd. Oui, car les guerrilleros sont incapables de les protéger. Et en battant retraite devant l'armée, ils abandonnent ces villageois, dont beaucoup d'ailleurs préfèrent fuir et passer au Mexique par centaines de milliers. Oui, au Chiapas, oui. Oui, oui. Et ce qui jouait autrefois en faveur des guérillas, la répression brutale entraînant mécaniquement les populations dans la guerre civile, n'opère plus. Tant les mayas ont déjà souffert. La guérilla ne représente donc plus un danger pour la dictature militaire. Ah, mais pourtant, la répression continue. Ah, parce qu'elle a pris un caractère ethnique. Ah oui, maintenant, ce qu'on veut, c'est l'anéantissement des mayas. Mais cette guerre prétendument anti-subversive justifie la militarisation du pays où l'armée est un état dans l'état. Bref, les militaires guatémaltèques ont besoin de cette guerre atroce pour asseoir encore un peu plus leur pouvoir. D'autre part, ce régime bâillonne complètement l'opposition politique et sociale pour la plus grande satisfaction du patronat local qui soutient avec ferveur l'armée. Pourtant, au début des années 90, on note un commencement de changement parce que les militaires vont commettre deux graves erreurs, des erreurs qui concernent directement les Américains. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Extrait d'un rapport établi en 1999 par plus de 200 observateurs réunis au sein d'une commission internationale d'enquête historique. Génocide. C'est en effet ainsi qu'il convient de qualifier les actes de destruction systématique perpétrés par l'armée entre 1981 et 1983 contre les Indiens des départements du nord-ouest du pays, dans la région des Mayas Ixil, par exemple, entre 70 et 90% des villages ont été détruits. Première erreur, en 1990, un citoyen américain, Michael Devin, qui tient un hôtel-restaurant, est abattu par un commando de plusieurs soldats. Deux ans plus tard, un chef guérillero, Bamaka, alias le commandant Everardo, disparaît. Officiellement, l'armée prétend qu'il a été tué au cours d'une bataille rangée opposant ses soldats à la guérilla. Mais il se trouve que Bamaka a épousé une jeune américaine, Jennifer, une juriste diplômée de Harvard, qui n'entend pas se contenter de l'explication donnée par l'armée. Et elle va se battre pour connaître la vérité. Bec et ongle, oui. Elle fait tant et si bien qu'elle oblige l'administration états-unienne à réagir. Clinton condamne publiquement le meurtre et réclame un châtiment pour les coupables. Oui, mais que peut espérer cette jeune femme-là ? Les militaires guatémaltèques ne vont quand même pas livrer le ou les coupables. C'est évident, mais l'affaire prend soudain une autre dimension. Un élu américain démocrate, un tuyau, l'homme qui a commandité l'assassinat de Bamaka, mais aussi celui de Devin, est un certain colonel Alpirez. Or, ce type est un agent de la CIA. La Maison-Blanche est informée et la nouvelle est rendue publique. Et là, c'est le scandale. Et une cascade d'événements qui vont avoir des répercussions énormes. La CIA, accusée nommément, reconnaît que le colonel est effectivement l'un de ses agents. Mais elle nie toute implication dans ces deux meurtres, un démenti qui ne fait guère illusion. Car un journaliste du New York Times démontre que l'administration des États-Unis connaissait l'affaire depuis longtemps. Clinton, coincé, ordonne donc une enquête poussée. Sur la CIA. Et ses entorses à la légalité, oui. Le rapport publié en 1996 est accablant pour la centrale américaine. On lui reproche d'avoir entretenu des liens avec des individus répugnants. On stigmatise ses violations systématiques des droits de l'homme et ses actions illégales. Bref. C'est une véritable tornade qui souffle sur les services secrets états-uniens. Et ça se traduit par des sanctions ? Ah bah forcément. On procède à une sérieuse purge et des centaines d'agents ou d'informateurs sont écartés ou licenciés. Mais aucun responsable ne sera poursuivi. Est-ce que le grand nettoyage s'arrête aux frontières des États-Unis ? Oui. Et cependant, Clinton, avec un certain panache, reconnaîtra publiquement les crimes commis au Guatemala. Ouais, mais ce sont des mots. Certes. Des mots qui n'effacent pas les 200 000 morts et disparus de cette sanglante guerre civile, dont plus de 90% sont uniquement imputables à l'armée guatémaltèque. Et le pire, c'est que ce n'est sans doute pas fini, malgré les accords de paix qui ont été signés en 1996 entre le pouvoir et la guérilla. Les partisans de la terreur n'ont pas renoncé. En 1998, l'évêque de Ciudad de Guatemala rend public un rapport sur les exactions de l'armée. Deux jours plus tard, il est assassiné devant son domicile. Par des militaires ? Oui, des hommes qui font l'objet d'un procès en 2001. Un procès sous forte tension. Les juges sont menacés, les témoins disparaissent. Bref, la justice ne peut être rendue équitablement. Car certains magistrats prennent peur et préfèrent démissionner ou même s'exiler. Oui, l'armée est donc toujours très puissante. Et elle dispose de tueurs à sa solde, de véritables escadrons de la mort. Aujourd'hui encore ? Parfaitement. C'est d'autant plus inquiétant que dans certaines provinces, des militaires sont partie prenante du trafic de drogue. Un trafic juteux dont le profit annuel en 2003 était estimé à 50 milliards de dollars. Et rares sont les politiciens qui ne sont pas tentés de financer leurs campagnes électorales avec cette manne que les trafiquants leur proposent. Ouais, en contrepartie d'une impunité. Et surtout de la possibilité de continuer à conduire leurs petites affaires en toute tranquillité. Alors, allons vite, puisque je m'aperçois que j'ai déjà été très long. Et puis, vous n'avez toujours pas parlé de ce formidable polar que vous m'annonciez. Hein. Ah bien, bon, d'accord, je vous promets que j'y consacrerai entièrement cet entretien de la semaine prochaine. Et je vous jure que vous ne serez pas déçus. Mais auparavant, achevons ce tableau de l'évolution politique du Guatemala. À partir de l'année 2000, et malgré l'élection d'un président de droite que l'on dit tenté par la manière forte, on note un relatif apaisement. Portillo, le nouveau président, reconnaît même la responsabilité de l'État dans les massacres de villageois durant la guerre civile. Ça, c'est une avancée quand même. Et ça encourage des représentants des communautés indiennes à porter plainte pour génocide contre l'ex-dictateur Rios Montt. Une plainte donc qui vient de porter ses fruits. Et je crois me souvenir que, préalablement, le prix Nobel de la paix, Rigoberta Menchú, avait aussi déposé plainte en Espagne grâce à la jurisprudence Pinochet. C'est exact. Mais il faudra attendre 2007 et la première élection d'un président de gauche depuis Arbenz, Alvaro Colom, pour que certains militaires et policiers soient enfin sanctionnés. Ouais, sanctionnés, mais pas condamnés. Si, si. En août 2011, pour la première fois dans l'histoire du Guatemala, des militaires seront lourdement condamnés pour un massacre datant de la guerre civile. Cependant, et ce n'est pas un hasard, cette élection présidentielle et législative de 2007 se déroule dans un climat de violence sans précédent depuis la fin de la guerre civile. Plus de 40 personnes sont tuées, des candidats, leurs proches, des militants des partis. Ouais, parce que les militaires compromis ont peur ? Ben, on peut l'imaginer. Dans l'autre camp, à droite, il y a l'ex-général Otto Pérez Molina, candidat du Parti patriotique. Mais celui qui finira par gagner en 2011. Hein. Oui, un homme qui, je vous l'ai dit, a joué un rôle important dans la guerre civile contre les guerrieros marxistes qui a fait rage entre 1960 et 1996. Et donc dans les massacres d'Indiens. On peut le supposer. Ensuite, ce Molina a enseigné à l'école de ces caïbiles, aujourd'hui recrutés par les narcotrafiquants, des commandos d'élite dont la devise était « un caïbil est une machine à tuer ». Il a en outre dirigé un service de renseignement militaire, accusé d'avoir organisé des assassinats politiques, ce qu'il a néanmoins toujours démenti. Oui. Donc, Colom, malgré tout, est élu contre lui. Hein. Oui, et immédiatement, il annonce qu'il fera de la politique sociale sa priorité. Toutefois, il se rend compte rapidement que la question de la sécurité s'impose à lui. Malheureusement, l'homme a du mal à contrôler sa propre administration. Deux de ses ministres de l'Intérieur sont inculpés pour corruption. Un troisième meurt dans un mystérieux accident d'hélicoptère. Et quatre chefs de la police nationale sont successivement emprisonnés pour malversation. Ouais, mais ça commence mal. Hein. Parallèlement, Colom est la cible d'une campagne noire, orchestrée par les nombreux adversaires qu'il compte dans l'oligarchie conservatrice. Tout est bon pour attaquer ce président qui veut augmenter l'imposition des plus riches. Colom, accusé d'être rétrograde, est même qualifié de succès d'année guatémaltèque de Hugo Chavez. Mais le plus grave est ailleurs. Et c'est-à-dire ? Ben, il apparaît impuissant à régler la question toujours plus envahissante du narcotrafic. Et finalement, il va se résoudre à user de la pire solution qui soit, surtout pour lui, la remilitarisation d'une région au nord du pays, l'une des plus touchées par le narcotrafic et la violence. Et en utilisant l'armée, là, il a l'impression de se renier ? Et d'avoir échoué. Car cette stratégie de remilitarisation massive du pays va à l'encontre des accords de paix de 1996. Mais elle est imposée et financée par les États-Unis dans leur fameuse guerre contre la drogue. Et il sait fort bien qu'en cédant, il se produira inévitablement un enchaînement de violences et que les militaires recourront de nouveau à leurs méthodes habituelles. Ouais, les exactions. Et les brutalités contre les villageois, oui. C'est dans ce contexte d'un pays miné par la corruption des élites économiques du pays et l'extrême violence des narcotrafiquants que va éclater l'affaire Rosenberg. Au départ, un banal fait divers dans un pays qui ne les compte plus, mais en réalité, une machine de guerre destinée à abattre le président Colom. Je vous en dirai plus samedi prochain. Rendez-vous est donc pris sur franceinter.fr ou patrick.penaud@radiofrance.com. Vous pourrez communiquer comme à l'habitude avec nous et même réécouter cette émission qui a été préparée par Rebecca de Nantes et réalisée par Michel Billou avec l'aide de Monsieur Djoub et de Fabrice L'Aigle. Plaisir personnel, je vous recommande le dernier opus de la trilogie berlinoise de Philippe Kerr, dernier opus intitulé Hôtel Adlon, une nouvelle vie pour son détective Bernie Gunther. Et tout de suite après le flash CO2 Mon amour de Denis Chessou.